بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, نواصل في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. Le chapitre concernant l'incitation à l'apprentissage de la science et comment l'apprendre. Jazakallah khair. Ma'ana al-yawm hadith fi sahihayn. Aujourd'hui, on voit un hadith qui est dans les sahihayn. L'auteur qui nous dit wa fihima an Abi Musa radiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب أو العشب فأنبأت الكلأ والعشب الكثير. Et donc il nous dit, Abu Moussa radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce avec quoi Allah m'a envoyé, tel que la guidée et la science, est comme l'exemple de la forte pluie qui touche une terre. La forte pluie, donc, qui s'abat sur une terre. Alors, il y a une partie de celle-ci, une partie de cette terre, une parcelle de celle-ci, qui est bonne, c'est une bonne parcelle. Elle accepte l'eau. Ce qui est voulu ici, donc, c'est une terre qui est fertile. Elle accepte l'eau, et elle va donc, tantunbitu, c'est-à-dire que, par la suite, elle va produire des plantes. Ibn Hajar, rahimahullah, il fait la distinction entre le kala et l'ushb. Il dit le kala, donc ça englobe les plantes qui sont sèches et les plantes qui sont humides. Tandis que l'ushb, ce qui est voulu ici, donc ce sont les plantes qui, par la suite, restent humides seulement. Et donc, dans tous les cas, donc, cette terre, elle va produire beaucoup de plantes et beaucoup de verdure. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa kanat minha ajadib. Il y a parmi donc cette terre une autre parcelle. Celle-ci, donc, c'est une terre, ajadib, c'est une terre qui, donc, garde l'eau. C'est pour ça qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, amsakat al-ma. Et donc, cette terre qui va garder l'eau. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ. Alors les gens, ils en ont profité. فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Alors les gens, ils en ont bu, ils ont aussi abreuvé leurs bêtes et ils ont planté. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى. Et cette pluie, elle va donc toucher une autre parcelle de terre. إِنَّمَا هِيَ قِيَعَانِ. Qiyan, le pluriel de qa', c'est-à-dire une terre qui est lisse. Donc la troisième parcelle, c'est une terre qui est lisse. La tumsikuma'an, elle ne retient pas l'eau. Wa la tunbi'ukala'an, elle ne va pas non plus produire de plantes. Fa dhalika mathalu man faqaha fi dinillah. Voilà l'exemple de ceux qui ont cherché à étudier, qui ont compris la religion d'Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allam. Alors Allah lui a permis de profiter de ce avec quoi il m'a envoyé. Alors celui-ci a su et il a enseigné. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san. Et l'exemple de celui qui n'a accordé aucune importance à cela. À ce avec quoi Allah, tabaraka wa ta'ala, m'a envoyé. Wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. et il n'a pas accepté la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري في باب من علم وعلم. البخاري il a cité ce hadith dans le chapitre celui qui a su et qui a enseigné. يعني من صار عالما فعلم. C'est-à-dire celui qui est devenu savant, c'est-à-dire celui qui connaît et qui ensuite enseigne aux gens. ذلك لأن ديننا أيها الإخوة يحثنا على التعلم والتعليم. Et ceci car notre religion, elle nous pousse à apprendre et à enseigner. Il ne t'est pas demandé de savoir, juste savoir la vérité, tu la gardes pour toi. وإنما يجب علينا أن ننشر هذا الدين. Mais il nous est obligatoire de propager cette science, chacun en fonction de ses capacités. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في هذا الحديث. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il nous montre une parabole. Et on a déjà cité أن الله تبارك وتعالى في القرآن كثيرا ما يضرب الأمثال. Allah تبارك وتعالى dans le Coran, il montre beaucoup de paraboles pour et cela facilite la compréhension. Cela facilite la compréhension. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أقسام الناس باعتبار ما بعثه الله به. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il nous montre les différents types de personnes en fonction de ce avec quoi lui il est venu. Ce avec quoi Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé. Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a envoyé avec al-huda wal-ilm. Al-huda, c'est quoi al-huda? C'est quoi la guidée? Les savants, ils nous disent dalalatu al-dalalatu al-muwassilatu ila al-matloub. C'est le fait de montrer ce qui permet de parvenir à un objectif, à ce que l'on désire. Tu désires l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, et donc il te faut absolument la guider pour obtenir cet agrément, cette satisfaction. Que on te montre comment faire, comment y parvenir. Et d'ailleurs, il y a une très belle parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son écrit Shifa al-Alil. Il dit فَإِنَّمَا أَوْ فَإِنَّ أَفْضَلَ مَا يُقَدِّرُ اللَّهُ لِعَبْدِهِ وَأَجَلَّ مَا يُقَسِّمُهُ لَهُ الْهُدَى. Certes, la meilleure chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala il accorde à son serviteur, c'est la guidée. La meilleure chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde, c'est la guidée. Wa a'zamu ma yabtali bihi aw yabtalihi bihi wa yuqaddiruhu alayhi ad-dalal. Et la chose la plus grave par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala éprouve son serviteur, et la chose la plus grave qui puisse donc déterminer pour celui-ci, c'est l'égarement, l'opposé de la guidée. Wa kullu ni'matin duna ni'matil huda. Tout bien fait, donc tout bien fait qu'Allah il peut te donner, en réalité est en dessous du bienfait de la guidée. Tout bienfait qu'Allah peut te donner est en dessous du bienfait de la guidée. Allah tabaraka wa ta'ala, il te donne de l'argent, mais tu n'es pas guidé. Il te donne donc la beauté, mais si tu n'es pas guidé, est-ce que tu en profites en réalité? Allah tabaraka wa ta'ala te donne du ilm, de la science, mais tu n'es pas sur la guidée. Et donc, est-ce que tu profites réellement de cette science? Non. Et donc, tout bienfait qu'Allah Ta'ala il t'accorde est en dessous de la guidée. Wa kullu musibatin duna musibatid dalal. Et tout mal qui te touche est en dessous de l'égarement. Tout mal qui te touche est en dessous de l'égarement. Tu peux tomber malade, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre tes proches. Tout cela est moins grave que l'égarement. L'égarement cause du feu éternel. Ou même cause du feu, même si ce n'est pas éternel. Et donc, ô cher frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un très grand bienfait, el-huda. Et parfois, el-huda, on va dire que parfois, el-huda peut signifier aussi el-ilm. Parfois, le huda, c'est la science. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq » Il est celui qui a envoyé son prophète avec la guidée et la religion de vérité. Les savants du tafsir et parmi eux Ibn Kathir rahimahullah, ils nous disent « El-huda huwa al-ilm » Wa dinul haqq, la religion de vérité, « El-amel as-salih » C'est le fait d'œuvrer. Et donc ici, el-huda, la guidée, va dans le sens de l'ilm. Mais ici, dans ce hadith, le prophète, il nous dit qu'il est venu avec la guidée et la science. Et donc, il est venu avec la guidée qui nous montre la voie à suivre. Et la science, il nous dit, Ibn Hajar, ma'rifatu al-adilla shar'iyya, le fait de connaître les preuves de la législation. Et donc, tu suis cette guidée avec preuve. C'est pas juste le fait de la suivre, non, le fait de la suivre avec les preuves. وَهَذَا يَحُثُّنَا أَيُّوَ الْإِخْوَى عَلَى التَّعَلُّمُ Et ça nous incite, ô chers frères, à apprendre. فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَّنَ لَنَا أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ كَالْغَيْثِ الْكَثِيرِ Et donc il nous montre, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, que ce avec quoi il est venu est comme la forte pluie. هَذَا الْغَيْثِ الَّذِي تَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ Et donc, cette pluie par laquelle la terre va prendre vie. Une terre qui est morte, elle n'a pas de plante, elle n'a rien. Cette pluie qui va donner la vie à cette terre. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec la guidée et la science, ce qui donne la vie à nos cœurs. Et donc, il faut qu'on accorde de l'importance à ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux purifier ton cœur, si tu veux nettoyer ton cœur, le protéger de toutes les ambiguïtés qu'il y a autour de nous, il faut que tu accordes de l'importance à la révélation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je l'ai déjà cité dans la mosquée. Ahammiyat al-hifz, l'importance de mémoriser. Mais je ne parle pas que de la mémorisation, donc le fait de retenir, mais aussi le fait de noter. Je sais que parfois certains, c'est difficile de noter sur place, alors ils attendent l'enregistrement pour réécouter et bien noter, etc. Mais dans tous les cas, il faut qu'on note pour pouvoir retenir ces informations qui sont données. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. Le prophète صلى الله عليه وسلم a divisé les gens en trois groupes. فالقسم الأول هو قسم الذين حفظوا وعملوا وعلموا. C'est le groupe de ceux, le premier groupe, c'est ceux qui ont mémorisé, qui ont œuvré et qui ont enseigné. Cette terre, donc, qui a profité de cette pluie, elle a absorbé cette pluie, elle a absorbé cette science. Et ensuite, elle a produit des plantes, de la verdure. Et les gens en ont profité. Et donc celui-ci, la personne qui se trouve dans ce groupe, accepte la science, la prend, et ensuite travaille avec cette science, et ensuite la transmet. Elle transmet cette science. Ayyuha al-ikhwa, la tansaw anna al-ilm wasila. La science, c'est un moyen. Et ce qui est voulu par ce moyen, c'est l'amel. Le fait d'œuvrer. Il t'est obligatoire d'avoir la science. T'en as besoin pour accomplir tes actes d'adoration. Mais cela ne suffit pas, il faut que tu œuvres avec. فَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلِ الْقِسْمُ الثَّانِي هُمْ الَّذِينَ تَعَلَّمُوا. Donc, le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont appris, qui ont mémorisé. Rappelez-vous donc cette terre qui a gardé l'eau. Elle a gardé l'eau. Fait quand les bardoul ulama, jama' al-ilm, il rassemble la science. Il est là. Il étudie, il rassemble. Wa lam ya'mal bi nawafilihi. Ibn Hajar, il nous dit, cette personne n'a pas œuvré avec les actes surérogatoires de cette science. C'est-à-dire qu'il a eu de la science, qu'il a mémorisé, il a fait les actes obligatoires, mais il n'a pas fait plus. Il n'en a pas fait plus. Walam yu'allim. Et il n'a pas enseigné. Certains savants, ils nous disent, falam yuzakki ilmahu. Alors il n'a pas purifié sa science. Mais malgré cela, les gens, ils en ont profité. Comme on a sur cette terre, les gens qui sont venus et qui ont bu de cette eau, et qui, les gens, ils en ont profité pour eux, pour leurs bêtes, etc., etc. Et donc, malgré cela, les gens, ils en ont profité, parce que quelqu'un qui a de la science, rien que le fait qu'il prie, les gens voient comment il prie, les gens voient comment il fait des actes d'adoration, ça leur est profitable. Ça leur est profitable, même s'ils n'enseignent pas. Et donc les gens, ils en ont profité quand même. Al-qismu thalith. Et donc le troisième groupe. Huwa man sami'a al-ilm. Subhanallah. C'est le groupe de ceux qui ont entendu la science. La pluie, elle est venue sur cette terre. On ne dit pas que la pluie, elle est allée sur une autre terre. Non. Elle est venue sur cette terre lisse qui ne l'a pas absorbée mais qui a laissé l'eau partir. فَهَذَا سَمِعَ الْعِلْمِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَلَمْ يَنْشُرْهُ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ. Et donc il a entendu la science, il n'a pas œuvré avec, il ne l'a pas transmise, il ne l'a pas enseignée. Il ne l'a pas enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce groupe, il nous dit وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْسًا. Et l'exemple de ceux qui n'ont accordé aucune importance à cela. Aucune importance à ce avec quoi je suis venu. Et donc ça nous montre quoi, oh chers frères? Ça nous montre qu'on ne doit pas rester comme ça, à attendre que le temps passe. Comme certains disent, on tue le temps. C'est pour ça que je le dis. Pendant la période du Covid, il y a des gens qui disaient, je m'ennuie. Enfin, la période du Covid, on n'en est pas sorti, mais vous me comprenez, pendant qu'on était confinés. Il y en a qui disaient, je m'ennuie. Mais comment tu fais pour t'ennuyer? J'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que tu fais pour trouver le temps de t'ennuyer? Lam yarfa bi dhalika ra'san. Il n'a accordé aucune importance à ça, à la science. Voilà pourquoi il s'ennuie. La science qui est si vaste. Et donc, oh chers frères, il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour apprendre et ne pas faire partie de ce troisième groupe. Et il n'y a nul doute que le meilleur des groupes est le premier qui a été cité. Et donc il faut qu'on fasse des efforts, au cher frère. Barakallahu fikum. Et rappelez-vous, donc, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, certes, l'être humain est dans la perdition. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Sauf ceux qui ont eu la foi, donc qui ont étudié, qui ont su. Tu vas avoir la foi en quoi? Et donc il faut que tu saches, que tu connaisses ta religion. Et ensuite, qui accomplissent de bonnes actions. Watawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qui s'enjoignent la vérité, et donc qui se conseillent mutuellement, et qui patientent. Qui patientent donc par rapport à cela. Et donc c'est important, cher frère, parce que, comme je l'ai dit précédemment, notre religion, elle nous incite à l'apprentissage et à l'enseignement. Ensuite, l'auteur, il nous cite, rahimahullah, un hadith qu'on a déjà vu. Il nous dit, walahuma, et aussi al-Bukhari et Muslim. An Aisha radhiyallahu anha marfu'an. Selon Aisha radhiyallahu anha, donc la parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Si vous voyez ceux qui s'accrochent aux versets équivoques, alors ceux-là sont ceux qu'Allah a cités. Alors méfiez-vous d'eux. هذا الحديث رأينا. Ce hadith on l'a vu précédemment, lorsqu'on abordait donc le sujet l'interdiction de donc de s'accrocher au verset équivoque. Et l'auteur, il le répète ici, ce hadith. وَلِيُعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْعَالِمِ مُحَمَّدْ ابن عبد الوهاب رحمه الله يَسْلُكُ تَرِيقَ مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Cet auteur, il faut savoir qu'il suit la méthodologie de ceux qui l'ont précédé parmi les savants. Quel imam al-Bukhari, مثلاً, comme l'imam al-Bukhari. C'est pour ça que dans son livre, c'est pas comme on voit chez beaucoup d'auteurs aujourd'hui, qui vont parler beaucoup. Ils vont avoir beaucoup de paroles qui viennent d'eux-mêmes. Lui, l'imam donc, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il va te citer un chapitre des hadiths ou des versets. Chapitre, hadith, verset. Ou alors, parfois, il te dit « Qol ibn Kithir » et il te cite une parole d'ibn Kithir, etc. Parfois, il se peut qu'il ait un léger commentaire. Mais son livre contient beaucoup plus donc, de paroles qui viennent de la révélation que de ses propres paroles à lui. Ça, c'est la méthodologie donc, de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et d'autres parmi les ulama du hadith. وَالْإِمَامَ al-Bukhari, rahimahullah, كَانَ يُكَرِّرُ الْأَحَادِيثِ في ابواب مختلفه حسب ما اراد من الحديث. الامام البخاري رحمه الله il dans son sahih, il répète les hadiths plusieurs fois dans plusieurs chapitres différents en fonction de ce qu'il veut du hadith. Il se peut qu'un hadith il l'utilise dans un chapitre, il le réutilise dans un autre chapitre en fonction de ce qu'il veut du hadith. Et ici, pourquoi est-ce qu'il cite ce hadith une deuxième fois, pourquoi est-ce qu'il le répète? لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى الفرق الموجود في هذا الحديث بين العلماء والجهال. Il se peut que l'auteur, رحمه الله, il nous montre ici ce qui est présent dans ce hadith, c'est-à-dire la distinction qu'il y a entre les savants et les ignorants. Car on avait vu précédemment dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité ceux qui suivent les ambiguïtés, ceux qui suivent les versets à équivoque. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa parole, il cite ceux qui citent les versets donc qui portent à confusion. Et ensuite il dit tabaraka wa ta'ala, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. tandis que ceux qui sont fermement dans la science, ceux qui sont donc accrochés fermement à la science, ils disent « Amanna bihi kullun min indi rabbina ». Nous croyons en tout cela, nous croyons donc en tous ces versets, les versets équivoques et les versets clairs. Tout cela vient d'Allah. Et donc, il nous montre la distinction entre la méthodologie des ulémas, la méthodologie des savants et la méthodologie de ceux qui ont suivi l'égarement. Ceux qui ont suivi l'égarement, ils se sont accrochés à certains versets et ils ont rejeté les autres. Par contre, les savants, non. Et donc, parmi les causes qui font qu'une personne s'égare, il y a le fait de ne pas suivre la méthodologie des ulémas, la méthodologie des savants. Mais pour suivre la méthodologie des ulémas, il faut qu'on apprenne. Et donc, encore une fois, aux chers frères, cela nous montre l'importance de la science. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et demain c'est mercredi. Demain, inshallah ta'ala, on verra un autre sujet, le sujet donc de Al-Hawariyoun, les apôtres. Inshallah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran.